le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. Développement majeur dans le jeu 33 clés. Mazda confirme qu'elle est derrière ce jeu de fiction interactif qui passionne les internautes depuis 2 semaines. L'opération a pour but de faire la promotion de la sortie de la nouvelle Mazda 3 2010. Le but de l'exercice est de trouver 33 clés cachées un peu partout au Québec, dont l'une permettra de déverrouiller une Mazda 3 personnalisée qui sera remise aux gagnants du concours le 18 mai prochain. Il n'est pas trop tard pour participer. Jusqu'à maintenant, les joueurs ont réussi à trouver à peine une dizaine de clés. Pour participer au jeu, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site repério.ca et de résoudre les énigmes qui y sont proposées. Il s'agit d'une sorte de course au trésor qui se joue à la fois dans la vie réelle et sur le web. Il est important de savoir que des indices sont également dissimulés sur Facebook et Twitter. Un bon point de départ pour trouver ces indices est le blog de Patrick Martin de Shawinigan, que vous retrouverez à l'adresse patrickdechawi.ca. Je vous rappelle que Patrick Martin est actuellement pourchassé par une police secrète en compagnie de Xira, une femme venue du futur. Leur mission est de retrouver une âme dans l'espoir de sauver l'humanité. Et pour y arriver, ils ont besoin de vous. Chaque jour, à la même heure, je viendrai vous faire le récit de cette passionnante et mystérieuse histoire, en plus de vous donner quelques indices. En attendant, rendez-vous sur repério.ca.